Bonjour et bienvenue sur Fréquence Protestante 100.7 FM. Culture numérique, où est le corps? Tel est le titre que nous avons voulu donner au premier volet d'une série d'émissions sur les cultures numériques que j'ai le plaisir et le bonheur d'animer en compagnie de Pepe Cavalieri. Pepe Cavalieri, merci d'être ici. Merci à vous. Merci. Encore, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste donc de culture numérique, un champ qui est tout à fait en émergence, en efflorescence. Nous allons en reparler dans un instant. Vous êtes donc à la fois enseignant et chercheur. Vous enseignez à l'école de technologie éthique, qui est renommée pour former justement au métier de l'Internet. Vous donnez également des cours de culture numérique à l'université de Paris 10 Nanterre. Et vous êtes chercheur associé en culture numérique à la chaire du Collège des Bernardins ainsi qu'à la chaire de recherche sur les écritures numériques de l'Université de Montréal en compagnie du professeur Marcello Vitali Rosati. Enfin, j'ajoute que vous êtes responsable scientifique d'un séminaire qui va se tenir à partir de janvier 2018, séminaire itinérant. Vous retrouverez, chers auditeurs, tous les détails sur le site de la radio. Et le titre de ce séminaire pour l'année 2018 est « Envers, derrière l'écran ». Alors, les cultures numériques, première question, Pepe Cavalieri, parce que j'ai voulu traiter du numérique d'un point de vue un peu philosophique, puisqu'on parle de plus en plus justement de philosophes spécialisés en culture numérique, c'est parce que le numérique, c'est par excellence à la fois ce champ envahissant, un peu comme l'eau qui se glisse dans tous les interstices de notre vie, et par rapport à quoi nous ne savons au fond pas encore, ou toujours pas, tout dépend comment on l'aborde, nous poser d'un côté ce qu'on appelle les geeks, les scientifiques, les purs et durs, tout ce monde des hackers, si fascinants d'ailleurs, ou des makers, tout ce que l'on peut en dire, parfois comme d'une tribu qui ou d'une horde qui n'est pas la nôtre, et en même temps nous sommes bien, nous aussi, que nous le voulions ou non, des consommateurs du numérique, et puis de l'autre côté, le monde de ceux qui, comme moi d'ailleurs, sont... Et d'une autre génération, ça n'est pas votre cas, Cavalieri, donc qui a vu se produire le numérique, qui l'a vu arriver, qui a vu un nouveau vocabulaire se créer, et qui, au fond, se sent encore à la fois complètement pris dans ce monde et presque un vestige d'un ancien monde, et qui se demande ce qui va se passer. Et dans ce monde des anciens, il y a aussi beaucoup d'idées reçues, et nous allons faire, dans le cadre de ces émissions, le tour, un petit tour, d'idées reçues, d'idées qui sont déjà repérées, pas forcément sur le numérique, de crainte, de peur, mais c'est au fond tout l'enjeu de ces émissions. Et la première émission, la deuxième aussi d'ailleurs, qui nous semble la plus importante d'une certaine manière comme entrée, c'est celle du corps. Et parce que le numérique, nous a-t-on dit, c'est le virtuel, mais pas du tout. Où est le corps? Où suis-je quand je suis face à mon écran? C'est ce que nous allons voir dans cette première émission. Pepe Cavalieri, donc merci encore une fois d'être ici. Merci. Alors, première question, vous l'attendiez. Quand on parle de culture numérique, de quoi parle-t-on? Oui, merci encore de cette invitation. Lorsqu'on parle de culture numérique, on parle de nous. On parle de notre culture, voire de la culture d'aujourd'hui. Parfois, on a l'impression, lorsqu'on évoque déjà les termes culture, de parler de quelque chose d'abstrait, alors que si on essaie de réfléchir un peu au terme culture, on voit très facilement que ça évoque d'abord une action, l'action de cultiver la terre, l'action donc de la culture, du traitement du sol en vue de la production agricole, donc la culture au sens de l'agriculture, et aussi la culture au sens du culte, l'action d'honorer quelque chose, d'honorer quelqu'un. Les deux actions ont en commun l'effet d'être de façon traditionnelle et efficace de se servir de son corps, pour mentionner la définition des techniques du corps de Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'à la fois pour cultiver la terre et pour honorer quelque chose ou quelqu'un, il me faut une technique. j'ai besoin d'une technique, donc d'un emploi méthodique et rituel, d'un savoir-faire qui est à la fois individuel et collectif, qui est actuel et traditionnel. Aujourd'hui, cette technique est justement le numérique, ce qu'on appelle le numérique, en faisant référence à la fois aux usages, aux pratiques, aux comportements, tout comme à la technologie sous-jacente qui rend possible ces comportements, ces pratiques et ces usages, une technologie qui a un aspect matériel, physique, et donc corporel, qu'on a eu tendance à négliger, à dédaigner. On a vécu cette espèce de rêverie de l'irréel, elle a été appelée, l'idée que le numérique comporte une raréfaction du corps ou même une disparition de notre corps, bien sûr au sens social du terme. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse contraire, et l'hypothèse qui est, entre autres, mon hypothèse à moi, c'est-à-dire que la galaxie, la constellation des périphériques, de ce qu'on appelle d'ailleurs les périphériques, c'est une constellation qui remet au centre notre corps. Donc notre corps n'est pas du tout à la périphérie ou aux marges, au bord de cet environnement, de cet écosystème numérique, mais il occupe plutôt une position centrale. Merci, Pepe Cavalier. Et donc, une position forte, cette position centrale du corps. Et en même temps, si je fais référence à un article que vous avez écrit sur les gestes dans l'environnement numérique, la ponctuation des affects, eh bien, ce qui m'a frappé, parce que vous avez bien compris, chers auditeurs, que je vais prendre le rôle du critique numérique, mon âge m'y autorise, c'est que, et pourtant je suis aussi usagère du numérique, ce qui m'a frappé donc, dans cet article, ce sont des photos que vous reproduisez, et des photos de nouvelles signalisations. Par exemple, la ville d'Augsbourg, en Bavière, qui a mis en œuvre, dites-vous, après plusieurs accidents, oui, tout à fait, des feux rouges horizontaux, donc collés au sol, afin qu'ils entrent dans la vision périphérique des piétons, trop occupés à lire leur mail, à consulter je ne sais pas quel site, ou à télécharger des applis sur leur smartphone. Et il y a bien entendu Augsbourg en Bavière, mais ce n'est qu'un des exemples que vous donnez. Donc quand vous me parlez, et je suis prête à l'entendre, mais quand vous me parlez de position centrale du corps, moi je suis prête à vous dire aussi, mais vous-même vous êtes sensible à une forme de raréfaction du corps, parce que ces signaux que l'on mettait, qui guidaient les gens, quand j'étais jeune, c'était des signaux pour handicapés. À ce moment-là, on parlait encore d'aveugles, et non pas de malvoyants, et des signaux sonores d'ailleurs. Et au fond, là, ce que ça nous dit, c'est que nous sommes tous devenus, en quelque sorte, un peu handicapés, puisque notre vision s'est rétrécie. Mais, si et non, oui et non. Les exemples que vous avez mentionnés, donc le fait que des institutions, donc la mairie d'Augsbourg en Bavière, mais tout comme les villes, certaines villes aux États-Unis ou en Chine, le fait que des institutions assument un changement posturel, gestuel, corporel, comme étant un changement culturel, ça me semble très intéressant et, pour ainsi dire, positif. Ah, tout à fait. C'est l'effet donc d'assumer que le numérique change notre façon d'habiter le monde. Et habiter le monde, c'est comme le disait Heidegger, la manière dont les mortels sont sur la terre. Nous habitons le monde, pour le faire, nous devons prendre position. Bien, aujourd'hui, avec les outils numériques, notre manière de prendre position a changé. Et d'ailleurs, les feux rouges horizontaux sont justement horizontaux de façon de pouvoir rentrer dans la vision périphérique de ce qu'on appelle l'usager, que moi je préfère appeler le joueur ou l'acteur numérique, en faisant référence donc au paradigme de la mise en scène comme paradigme spatial le plus adapté peut-être à rendre compte de la spatialité de l'espace numérique. Et donc, en même temps, dans un paradigme qui est celui de l'ubiquité, je suis sur la rue, je suis dans la rue, et donc la rue me parle, et je produis même, en même temps cette rue à travers mes mouvements, à travers mes parcours, mes trajets, et en même temps, bien évidemment, je suis aussi dans une plateforme dans laquelle je suis en train d'agir ou de réagir. Donc, où suis-je ? En même temps, là et au-delà, disons. Mais les deux espaces sont de plus en plus en train d'empiéter l'un sur l'autre. L'espace numérique, ce n'est pas un espace à côté d'un espace supposé être, disons, principal ou intérieur. L'espace numérique, aujourd'hui, on peut le considérer comme l'espace de raccordement de tous les espaces sociaux. Et d'ailleurs, c'est l'hypothèse à laquelle on travaille à la chaire du Collège de Bernardin, c'est-à-dire le numérique comme nouvelle ordo affectionis, donc comme nouvelle disposition de choses et de personnes, et comme nouvel système d'organisation de nos affects, de nos actes, de nos comportements et de nos distances. C'est le numérique aujourd'hui qui définit, qui produit, qui définit, qui mesure le plus souvent les distances entre les personnes, les distances entre les personnes et les choses. Tout à fait, j'entends bien Pepe Cavalieri. Et effectivement, il est tout à fait souhaitable d'ailleurs que des institutions prennent acte de nouveaux comportements. C'est aussi ce qu'on demande à un État, d'ailleurs, d'une certaine façon, n'importe quelle institution étatique ou ailleurs, c'est de pouvoir prendre en charge une dimension de sécurité, bien sûr. Et ce qui est très intéressant avec cet exemple, encore une fois, je prends dans un de vos articles, c'est, me semble-t-il, à la fois qu'il se situe en ville, or on sait bien que la ville, c'est l'enjeu d'aujourd'hui et des dizaines d'années à venir, et comment habiter la ville. Et d'autre part, c'est qu'il m'a semblé ces exemples m'ont semblé très parlants. Vous avez toujours dans le même article quelques réflexions qui me semblent de bon sens, en quelque sorte, mais qui nous montrent à quel point aussi, au début, peut-être, nous étions prisonniers des mots, quand vous faites remarquer que... quand vous intéressez, pardon, à la façon dont on désigne l'écran et comment on l'a appelé pendant très longtemps un interface. Et d'ailleurs, je note que votre séminaire à venir s'appelle « Envers derrière l'écran ». Et parler de l'écran en tant qu'interface, c'est situer deux univers qui, au fond, n'ont pas de rapport. Tandis que l'exemple du passant dans la rue, vous l'avez dit, c'est être à la fois là et pas là. Et donc, c'est montrer que ce n'est pas un interface, c'est que je suis dedans. On peut le déplorer, on peut, comme moi, faire remarquer, que, comme je viens de le faire naïvement, qu'il y a, de mon point de vue, non seulement une nouvelle façon, c'est indéniable, d'habiter la ville, d'habiter l'espace, d'habiter le corps aussi, mais on est obligé d'en tenir compte et de dire que nous sommes dans le numérique, et le numérique est dans nous. Et donc, ce sont ces effets du corps qui m'intéressent énormément. Alors, est-ce qu'il faut supprimer la notion d'interface, Pepe Cavalieri ? Oui, c'est une notion qui a produit, qui a créé des équivoques. Équivoques parce que ça a encouragé à avoir une vision purement visuelle de l'espace numérique. C'est-à-dire de l'espace numérique comme étant un espace de représentation, un espace purement visuel. Et donc, moins vrai que l'espace qu'on appelle réel sans parfois sans bien savoir ce que veut dire réel. Le numérique change aussi, c'est là, remet à jour l'idée que nous avons de la réalité et du réel, du sentiment de réalité, du sentiment du réel. Alors que l'espace numérique démontre de plus en plus d'être un espace d'action, un espace de présence. L'écran, donc, qui vient d'une très très longue histoire, qui est l'histoire aussi de la peinture, des arts figuratifs, l'histoire du tableau. L'histoire de la perspective aussi. De la perspective, donc l'histoire de la fenêtre, au sens de la leçon de Jean-Baptiste Alberti. Mais l'écran numérique, ce n'est pas une surface de représentation, c'est un espace d'action. C'est dans l'écran que j'agis, c'est un espace que j'occupe, c'est un espace que j'habite. C'est d'ailleurs un espace c'est l'espace dans lequel font irruption les icônes, les photos, les notifications qui produisent une chronologie, la chronologie des interruptions de ce qu'un chercheur que j'aime bien, Christian Licop, appelle la pragmatique des notifications. Et tout cela, ça se passe dans nos écrans. C'est pas représenté. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il s'avère. J'essaie donc d'aller au-delà de la notion d'interface, disons, de l'élargir à la fois sous un profil sémantique et spatial, de faire un peu ce que Richard Schechner a fait avec la notion de performance. Pour essayer donc de dessiner une interspatialité ou hyperspatialité qui soit plus adaptée, notamment justement à expliquer notre présence numérique comme n'étant pas du tout une présence à côté, une présence accessoire, une présence, disons, ultérieure par rapport à notre présence, à notre être au monde. Il ne faut pas concevoir l'espace en termes de contenant et contenu. C'est la leçon de Heidegger, mais c'est la leçon aussi de Lefebvre. Penser l'espace comme une manière d'être dans, comme on peut dire qu'il y a de l'eau dans un verre, mais comme une manière d'être avec. Voilà. D'être entre, et surtout comme une manière d'aller vers. Et donc d'agir, parce qu'il n'y a pas d'espace s'il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a pas d'espace s'il n'y a pas de mouvement. C'est ça, c'est un espace en mouvement, oui, c'est ça qui est passionnant. Il n'y a pas de perception s'il n'y a pas de mouvement, et ça on le voit très bien. Justement, pendant une session de navigation sur le web, ce que je perçois, c'est ce que je fais. Et si je n'agis pas, ou si je ne réagis pas, presque rien ne se passe. C'est presque étant les mouvements des protocoles, des algorithmes qui me sollicitent de plus en plus à l'action. Les notifications que nous recevons aujourd'hui, mais juste pour faire un exemple, sur Facebook, sont de plus en plus performatives, au sens où elles nous poussent de plus en plus à réagir à ce que les autres ont écrit, à agir. Il y a même, oui, c'est une notification plutôt récente, une notification qui nous rappelle que ça fait un certain temps qu'on publie rien sur Facebook. Absolument. Et ça stimule même presque un sentiment de culpabilité, la culpabilité, pour ainsi dire, de l'inaction. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors en même temps, ça pose aussi la question de l'action ou de la réaction. Mais avant d'en venir là, parce que c'est aussi une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'habite, puisque le thème de cette émission est donc « Où est mon corps dans l'espace numérique ?» C'est « Qu'est-ce que j'habite comme espace ?» et « Dans quel espace je vais me déplacer ?» Je vous avais employé un instant, Pepe Cavallari, deux termes concernant l'espace, interspatialité et hyperspatialité. Est-ce que vous pourriez définir ces deux termes l'un par rapport à l'autre ? Parce que finalement, en culture numérique, on a beaucoup besoin aussi de mettre au point des notions. Oui, c'est vrai que donc, oui, celui de hyper, surtout, c'est un préfixe largement utilisé de plus en plus, utilisé en sociologie, notamment les hyperlieux décrits hyperlien, hypertexte. Michel Lussault. Oui, Michel Lussault. Donc, on est un peu dans cette économie de l'hyper. De l'hyperattention, de l'hyperactivité. On a, pour ainsi dire, du mal vraiment à trouver la mesure d'une hyperactivité qui nous dépasse parfois. Donc, au-delà des nuances entre ce qui serait hyper ou ce qui serait inter, voilà, si je pense par exemple à la théorie de l'intermédialité, qui donc essaie de, comme a été dit, d'étudier ce qui est entre, c'est-à-dire d'étudier les espaces agissant entre les médias. Là aussi, on assiste à la tentative théorique, un travail théorique, un effort même théorique, pour essayer de saisir quelque chose qui parfois est insaisissable. Le numérique nous pose la question de l'espace comme d'un espace qui est hyper, mais pas au sens d'un espace moins réel, d'un espace, pour ainsi dire, encore plus réel parce que justement encore plus agit. On vient de dire qu'il n'y a pas d'espace où il n'y a pas de mouvement. Le web est donc un espace d'action et pas une surface de représentation, parce que le web nous pousse à agir. Les notifications, l'économie, l'écosystème, l'environnement des notifications dans lequel nous plongeons nous poussent à agir. Il y a des plateformes, mais juste pour faire un exemple qui peut peut-être parler à pas mal de gens, un réseau de services et de voisinage comme Allo Voisin, qui nous permet donc de mieux habiter notre quartier. Et pas forcément de communiquer avec quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète. C'était ça aussi l'idée au début du social web. C'est-à-dire l'idée que le numérique nous fasse communiquer avec des gens toujours très loin, toujours de l'autre côté, pour ainsi dire, dans une presque irréalité. Alors qu'aujourd'hui, le web, ça nous sert surtout à mieux profiter de ce que nous avons, sans les savoir, à côté de nous. Et donc, justement, d'un voisin qui est capable de faire une intervention, s'il faut, je sais pas, comme étant un plombier ou un électricien ou un peintre ou un maçon. Et là aussi, donc, dès qu'on s'inscrit à cette plateforme, on reçoit, mais tous les jours, une mise à jour. Mise à jour des activités menées par nos voisins. Donc, nous sommes de plus en plus menés à l'action et plus d'action, je voudrais dire, plus d'action, plus d'espace. Plus d'espace, des espaces qui sont multiples. Ça le disait déjà Lefebvre. Ça n'existe pas un seul espace social. Nous habitons plusieurs espaces sociaux. Donc, pour reprendre l'exemple du piéton qui peut intercepter avec sa vue périphérique les feux rouges horizontaux, tout étant en train d'écrire peut-être sur un réseau social, mais bien, il est en train d'occuper plusieurs espaces sociaux qui sont aménagés, agencés et réglés d'une façon différente. C'est là aussi toujours très très présente la question de l'autorité, des autorités, encore une fois au pluriel, posée entre autres par Marcello Vitali Rosati. Oui, bien sûr. Alors, dernière remarque sur ce piéton, son corps est là, mais sa tête est ailleurs. Oui, mais là, je pense vraiment que le numérique agit. Non, mais c'est, le numérique agit, je crois, là, comme un révélateur qui nous fait bien comprendre vraiment encore mieux ce que c'est que le corps. Jean-Paul Sartre définissait le corps comme le centre instrumental des complexes ustensiles. Donc, le corps comme un ensemble d'actions, un ensemble d'actions capables de raccorder, d'agencer, de coordonner toutes ces actions. Le corps donc, du piéton, c'est quoi ? C'est la capacité de coordonner, d'agencer l'ensemble des actions menées au même temps, mais pas au même, lieu. Tout en disant que les deux espaces sont de plus en plus en train d'empiéter l'un sur l'autre, et peut-être que ça c'est déjà arrivé en fait. Donc là aussi, c'est une autre raison pour laquelle essayer d'aller au-delà de la notion d'interface, comme la connexion est désormais généralisée au territoire, c'est le territoire dans son ensemble qui fait d'interface. Encore une fois, le numérique agit comme, oui, je répète, comme un révélateur capable de nous faire comprendre qu'il y a de la pluralité et du mouvement là où nous pensions qu'il y avait, de l'unicité et pas de la pluralité, de l'immobilité et pas du mouvement. Donc c'est une pensée, la pensée de la théorie du web, forcément anti-essentialiste. Ça n'existe pas l'essence du corps. Ça existe plusieurs façons, plusieurs manières d'agir. Voilà. Moi, j'ai du mal à dire ce que c'est que le corps, sans passer par les discours des techniques du corps, des gestes, des mouvements, des actes. Si on pense donc, par exemple, aux gestes proprement numériques, que oui, j'essaie un peu d'inventorier, Nous sommes en train de taper, de faire glisser, de flairer, de caresser, de brancher, et tout étant en train de copier-coller, d'envoyer, de supprimer, d'aimer, de poster, de réagir. Et les deux choses sont la même chose. Eh bien, on va y venir justement, Pepe Cavalieri, merci. Cette question du geste numérique qui est une action, et dans quelle mesure mon corps est une présence à ce moment-là. Et juste après cette pause numérique, merci de toutes ces précisions que vous avez faites sur l'espace numérique, cet espace dans lequel nous nous mouvons tous, même s'il faut évidemment garder à l'esprit, c'est le gain d'ailleurs de votre définition, que ce n'est qu'un espace parmi plusieurs espaces possibles, parce qu'il y a aussi tous les autres espaces qui n'apparaissent pas sur le numérique, même si leur portion se réduit. Nous allons donc faire une pause et revenir à cette question d'action et de gestes numériques. Très bien. Je passe les cheveux fous dans vos villages, la tête comme embrasée d'un phare qu'on allume. Au vent soumis, je chante des orages, au chant labouré, la nuit des plages. Les arbres voient la lame de mon visage, où glisse la souillure des injures. Je dis au vent l'histoire de ma chevelure, qui m'habille et me rassure. Où les roseaux et toutes les mousses dansent, et tous les miens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un fils sans espérance. Mais ils m'aiment comme ils aiment la terre, ingrate à leur souffrance, à leur misère. Si quelqu'un me salissait de reproches, ils goûteraient la pointe de leur pioche. Paysans pauvres, mes pères et mères, attachés à la de cette terre, craignant les seigneurs et leur colère, pauvres parents qui n'êtes même pas fiers d'avoir un fils poète qui se promène, dont on parle chez les rois et chez les reines, qui dans des escarpins vernis et sages blesse ses pieds larges et son courage. Mais survivant moi comme lumière, les ruses d'un voyou. Vous êtes toujours sur Fréquence Protestante. Nous sommes en compagnie de Pepe Cavalieri pour une émission sur les cultures numériques. Où est mon corps? Et alors, nous parlions d'espace, Pepe Cavalieri, dans la première partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission, puisque vous parliez des gestes numériques et de ces gestes que nous sommes susceptibles de faire devant notre ordinateur ou notre smartphone, ou peu importe, en même temps que nous accomplissons plein d'autres gestes du quotidien. Vous preniez l'exemple très parlant du fait que je peux être en train de bruncher et en même temps, je réponds à quelqu'un. Et là, mon mauvais esprit me souffle une autre question, je suis sûre que vous allez vous en tirer brillamment, qui est, dans ce cas-là, quelle est mon attention à autrui? Ou quelle est mon attention à moi-même? Et est-ce que, parce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas une déperdition, soit vis-à-vis d'autrui, soit vis-à-vis de ce que je suis, moi, par exemple, en train d'ingérer? Vous parliez de technique de soi tout à l'heure, en citant Marcel Mauss. On pourrait penser aussi à Michel Foucault. Et comment le numérique, pour l'instant, me traverse-t-il? Ou comment puis-je, moi, parce qu'il y a toujours ce qui nous advient, mais la façon dont nous le faisons advenir aussi. Comment puis-je, moi, me comporter de manière à être, pour reprendre une expression qui fait florès en ce moment, mais ce n'est sans doute pas un hasard, en pleinement conscient de ce que je fais? C'est une question majeure, étant donné que nous sommes en train de produire, de façonner des nouveaux codes, nouveaux codes de comportement. Qui touche même à des questions de, si je peux le dire, de politesse. Bien sûr. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est poli de sortir à son téléphone portable lors d'un repas en famille ou avec des amis. Remarquez, est-ce que c'était poli avant de répondre au téléphone voilà. pendant un repas ou avec des amis? Chaque fois, oui, chaque fois, c'est vrai, chaque fois, l'histoire du téléphone, c'est aussi l'histoire de la pudeur. Ouais. On sait bien que, oui, la jeune fille de la famille bourgeoise qui pouvait avoir un téléphone à la maison ne pouvait pas répondre directement au téléphone parce que parler avec quelqu'un qui n'était pas là physiquement, c'était perçu comme une expérience tout à fait mystérieuse. Et même peut-être inquiétante. Donc il y avait un code de politesse qui s'était instauré, de politesse, il y a un code sociologique aussi, très social, très genré. Mais, et là, on a l'impression qu'il n'y en a pas, en fait, ou il n'y en a pas encore pour le numérique. Oui, c'est vrai que l'accès, voilà, par rapport à, je viens de faire l'exemple du téléphone, l'accès aux outils de la technologie numérique était un accès, disons, massif. Et je pense que ça, donc, n'a pas permis de pour ainsi dire, décoder à l'avance la façon dont s'approprier ces usages et ces comportements, qui donc posent des questions, oui, des questions de politesse, mais surtout des questions plus, disons, théoriques d'économie ou écologie de l'attention. Donc, où suis-je à ce sens-là? C'est-à-dire, où est mon attention? Où est mon attention? Et là, les modèles que le numérique nous propose, c'est le modèle de la fenêtre. De la fenêtre, donc du fenêtrage, du multifenêtrage. Et si je pense à l'interprétation que Wajsman fait de la leçon d'Alberti qu'on évoquait tout à l'heure à propos de la fenêtre comme étant les facteurs fondamentaux pour penser le monde, Wajsman dit même la fenêtre pense le monde, j'ai besoin d'une fenêtre pour penser le monde. Voilà. Pourquoi la fenêtre, excusez-moi, je ne connais pas bien les théories de Wajsman, pourquoi la fenêtre pense-t-elle le monde? Parce que la fenêtre me permet d'avoir un point de vue. Sans la fenêtre, je n'aurais pas de point de vue. Et si je n'ai pas de point de vue, et ça, oui, c'est même, je pense à un théoricien du cinéma comme Oyi, cinéaste aussi d'ailleurs, parle du cadre de l'écran, du cadrage comme d'une manière de pas seulement de faire voir, mais de faire comprendre. Voir, ça signifie organiser l'expérience que nous pouvons faire de l'espace que nous habitons. La fenêtre, donc, la fenêtre qui devient multi-fenêtrage dans nos écrans, qui parfois sont débordés, pour ainsi dire, complètement remplis de plusieurs fenêtres qui se superposent les unes aux autres, qui donc nous demandent tout un travail, pour ainsi dire, de nettoyage, de faut ranger pour son écran. Ça produit d'ailleurs une nouvelle, pour le coup, une nouvelle attention. À mon espace numérique à notre espace, et de manière générale à notre espace même non numérique, la question du rangement. Oui, ça, la question je du rangement, dire, parce qu'on parle de la question du corps, ça me semble être un des effets presque positifs, en tout cas un nouvel effet. Oui, ranger son petit espace numérique, je dis petit parce que là je pense justement à l'écran dans smartphone, c'est une manière, pour ainsi dire, de s'occuper de soi-même. C'est ça. Et donc pour revenir à la question de l'attention, aujourd'hui, certaines applications de messagerie instantanée essaient de développer une expérience particulière du temps, celle de l'être en train de. Une expérience particulière du temps et donc de l'attention, symbolisée par les trois points de suspension qui pétillent. Raymond Queneau dirait qui bulbule dans l'ellipse, alors que mon interlocuteur est en train de me répondre. C'est un temps technique, c'est le temps qu'il faut au serveur pour recevoir un message d'un périphérique et le renvoyer à l'autre périphérique. Donc c'est un temps, pour ainsi dire, tout à fait irréel, tout à fait technologique. Mais ce temps-là est adopté comme un temps réel. Le temps justement de l'être en train de. Yves Citon parle de la fascination du suspense gestuel. Ce que je perçois là encore une fois, c'est cette tension, ce mouvement d'un geste, geste d'écriture, geste de lecture, geste d'attention, geste d'amour, geste de regard, qui est en train de se passer. Et encore, Yves Citon dit « Rien ne titille davantage mon attention que l'effet d'assister à quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de se dérouler, parce que je peux... » Mais pourquoi ça attire mon attention? Parce que je peux intervenir, parce que je peux le changer, je peux varier les cours de l'événement. Voilà. Et alors, justement, d'ailleurs, pour, excusez-moi, Pepe Cavallari, je vous ai coupé la parole, non, pour ce qui est en train de se passer, il y a toute cette question, finalement, quand on est sur des applications, etc., de ma présence, en quelque sorte, malgré moi, c'est-à-dire de mon corps, malgré moi, une forme de corps qui est un corps numérique, mais bien réel, c'est-à-dire que mon interlocuteur va savoir si je suis derrière mon écran ou non, si je suis derrière mon écran mais en train de faire autre chose, manifestement, etc., etc. Donc là, ça fait partie aussi, non pas des nouvelles techniques du corps, mais de nouvelles présences du corps. Tout à fait. C'est vrai que là, par défaut, et le rapport souvent, à autrui. Oui. Le plus souvent, on est perçu comme étant en ligne ou voilà, étant connecté. Mmh. Notamment sur Messenger, parfois voilà, nous sommes présentés à notre réseau, ce qui n'est pas rien, comme étant actif, alors que nous avons quitté l'application depuis quelques heures même. Ça produit ces décalages, le fait donc que la présence ne soit pas synchronisée, et qu'il soit toujours une présence décalée, ça produit pas mal de soucis au niveau social, au niveau de nos relations amicales et aussi encore plus professionnelles. Il suffit de faire une recherche sur Google pour voir très facilement les rapports entre, cette manque de finesse que les serveurs ont dans la capacité de nous saisir comme étant ou pas actifs ou en ligne, et des crises de couple, parfois, ou de problèmes qu'on peut voir en son boulot. Si à 4 heures du matin, selon Messenger, nous étions actifs alors qu'on dormait, et donc nous sommes peut-être supposés ne pas être trop performants les jours suivants à notre travail. Il y a de quoi faire une comédie à l'italienne, si vous me passez ça. Mais effectivement, donc finalement... Où est mon corps? Parce que là aussi, effectivement, il y a la question de la finesse, effectivement, des applications. Et je reviens, on en a parlé pour le téléphone, à la question de ma présence à autrui ou de ma présence à moi-même. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que le numérique... Alors, moi, j'ai tendance à voir, comme vous l'aurez compris avec ma première question sur les piétons, à voir, parce que je vois le passage, en fait, d'un monde à l'autre, j'ai tendance à voir cela, à l'interpréter comme une forme de rétrécissement du corps, tout en constatant qu'il y a... d'un point de vue phénoménologique, il y a effectivement un nouvel espace qui est en train de se constituer. Mais ça, c'est la dimension cognitive, si vous voulez. Après, si je regarde la question de la liberté, et même s'il n'est évidemment pas question de poser qu'avant tout était tellement mieux, les leçons du passé proches, voire très proches, sont là pour nous convaincre du contraire, eh bien, j'ai quand même tendance à penser que cette omniprésence du numérique, au fond, m'assigne à la fois, comme pour Messenger, pour ne pas le nommer puisque vous en avez parlé, m'assigne une forme de présence aux autres, parfois de manière inopportune, mais m'assigne aussi, pour d'autres applications, une forme d'imaginaire. Nous évoquions la ville, et bien le fait de devoir toujours, quand j'arrive dans une ville inconnue, de devoir ou pas, parce que là on revient à la question de la liberté, de devoir fonctionner par GPS, parce que j'arrive dans une ville inconnue, c'est tentant, c'est facile, je me dis que je vais économiser du temps, je m'adresse à mon GPS, et mon GPS va trouver mon itinéraire. C'est-à-dire que je vais avoir, exactement comme les piétons, ou comme quand je suis en voiture, je vais avoir l'œil rivé sur mon GPS plutôt que sur la ville elle-même. Et donc, il y a un aspect de découverte qui aura été fait avant moi, par quelqu'un d'autre, et qui me soumet alors que ça semble utile. Oui, c'est un discours très, très passéiste, excusez-moi. Non, mais c'est bien de questionner des usages qui semblent être évidents et que c'est bien toujours de mettre en crise, pour ainsi dire, mettre en question. La ville, comme étant un ensemble d'espaces sociaux, aujourd'hui comprend aussi l'espace d'où je passe. La ville, c'est aussi aujourd'hui l'ensemble de toutes les recensions que je peux trouver sur les hôtels et les restaurants, sur TripAdvisor. Par exemple. Donc il y a cette couche d'information. Et avec derrière tout ce qu'on sait, excusez-moi, d'enjeux économiques. Hein, mais bon, ça n'est pas la question aujourd'hui. Bien sûr. Bien donc il y a, disons, plusieurs couches plus ou moins efficaces, plus ou moins liées aux informations dont j'ai besoin pour bouger. On vient de dire que c'est notre mouvement qui produit un espace. Et si nous avons besoin que notre mouvement, à un moment donné, soit plus efficace, et que donc nous avons besoin de nous faire acheminer et orienter par un système tel que le GPS, oui, c'est vrai, mais je ne regarde pas dehors. Oui, mais à ce moment-là, je fais quand même une expérience de mon espace d'action et donc de la ville tout à fait particulière, surtout si j'utilise des services de cartographie participatifs qui me permet aussi d'intégrer des informations, donc de donner des informations aux piétons, tout comme surtout à ceux qui, comme moi, sont en train peut-être de conduire leur voiture. Par rapport donc à cette espèce d'obsession de la présence, de cette hyper-présence, pour récupérer les préfixes dont on parlait tout à l'heure, Jean-Paul Sartre disait que les problèmes principaux qu'autrui me pose, c'est celui d'être absent, de ne pas être là. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'inverse. Les problèmes qu'autrui me pose, c'est celui d'être toujours là, toujours présent. Il suffit de penser à l'ergonomie de certaines applications de messagerie instantanée. Je pense à WhatsApp ou encore une fois à Messenger ou à d'autres encore, pour voir comme l'effet de glisser, de pouvoir faire glisser son doigt sur cette espèce de carrousel des visages liés, associés, combinés à des noms et des prénoms, ça me fait toujours penser à quelqu'un auquel peut-être je ne penserais pas sans avoir sa photo et son nom sur mon doigt. Étant donné que penser à quelqu'un est notre manière fondamentale de penser, pour la simple raison que je peux presque rien penser sans penser à quelqu'un en particulier. Et aujourd'hui, notre manière de penser à quelqu'un, de penser à autrui, a complètement changé du fait d'avoir les visages, avec tout ce que les visages évoquent. Là, c'est presque banal de penser à la philosophie de Lévinas. Bien le fait sûr. D'avoir un rapport intériorisé au visage d'autrui, et ça donc c'est où mon corps, c'est dans l'ensemble de ces points de vue. Encore une fois, la philosophie de Jean-Paul Sartre nous aide à comprendre peut-être quelques aspects de la nouvelle dimension corporelle du haut numérique. Jean-Paul Sartre définit le corps comme étant, entre autres, l'ensemble des points de vue que les autres peuvent prendre sur moi, tout étant aussi mon corps, un ensemble des points de vue. Donc voilà, l'effet de lier notre corps à une dimension qui est à la fois performative, active, mais aussi visuelle, mais aussi produit par un regard. Les regards d'autrui m'obligent à être ce que je suis. Les numériques suggèrent, développent des dynamiques de regard, parfois même grotesques, parfois même paradoxales. Il suffit de penser au regard, au croisement des regards, ou plutôt des tournements des regards lors d'une visioconférence Skype avec notre interlocuteur. Au bout de quelques secondes, les deux sont en train de regarder chacun dans les retours de la caméra qu'on a, et donc au lieu de regarder mon interlocuteur, moi, je suis plutôt attiré par le retour de la caméra, donc je me regarde moi-même pour être sûr que la lumière soit la bonne lumière, pour être sûr d'être à la bonne distance, pour être sûr que les plans soient en plan correct, et donc il y a des croisements perceptifs et parfois des détournements perceptifs aussi, dû à une dynamique de regard qui est, oui, une question de, qui est la question du cinéma, comme on dirait. C'est tout à fait passionnant ce que vous dites, Pepe Cavallari, avec ce regard, cet échange de regards qui en fait se transforme ensuite en regard sur moi. C'est-à-dire qu'au moment où autrui est convoqué pour Skype, par exemple, très vite, je détourne mon regard. Oui. Et ça me fait penser, c'est un peu annexe, mais cette question d'autrui, effectivement, l'ensemble des points de vue qu'on peut prendre sur moi, et on sait bien que Sartre a beaucoup travaillé sur la question de la liberté et de l'aliénation, justement, je me dis, oui, autrui est sans cesse présent. Au fond, peut-être est-il tellement présent qu'à un moment, je reviens sur moi, je ne sais pas. Mais est-ce que l'altérité est encore présente ? Parce que, au fond, je suis dans une espèce de défilé de visages que je fais défiler effectivement sur telle ou telle application. Ça ne revient pas à moi. Je n'ai plus d'expérience et de temps à moi, d'une certaine façon. Et je n'ai plus de place pour l'altérité, au sens où l'altérité serait vraiment quelque chose d'autres. Là, ce qu'on me propose toujours, c'est de fonctionner dans un groupe qui est susceptible de s'élargir, mais quelque chose ou quelqu'un d'autre, en ce sens, différent de moi, différent de cette espèce de corps collectif, agrégat d'amis, qu'on va me suggérer aussi en fonction de leur activité ou non sur le net, d'ailleurs. Au fond, la solitude, avec ce que ça peut avoir de positif, il n'y a évidemment pas que des aspects positifs, l'ennui, le vide, tout ça disparaît. Et donc, l'altérité, au sens me confronter à quelque chose qui n'est pas moi, et qui va peut-être me gêner, mais me faire passer à autre chose, au bout d'un moment, est-ce que ça ne disparaît pas ? Ou est-ce que ça vous paraît trop pessimiste comme... Non, je dis encore une fois, oui, que la forme, voilà, la forme et la façon dont cet état d'âme et ces sentiments peu, donc les sentiments de la solitude, voilà, par exemple l'expérience justement vous venez de dire de la nuit, on s'ennuie ensemble. Mmh. On s'ennuie souvent ensemble dans un réseau social. Socialiser les affects signifie aussi, ça signifie aussi socialiser la nuit, socialiser la solitude, l'effet des Et ça, c'est très presque... intéressant d'un point de vue anthropologique. Tout aussi. À fait. Pardon. Tout à fait. Là aussi, par exemple, la théorie externaliste ou inactiviste, c'est une théorie, je dis presque, disons, incontournable pour essayer de comprendre cette dimension sociale, plurielle, incarnée de nos états d'âme, de nos affects, de nos pensées. Le web semble nous dire que tout ce qui s'est fait ensemble. Penser, ça signifie penser ensemble, être heureux ou désespéré, ça signifie l'être encore une fois ensemble, les affects et les émotions ne seraient pas donc l'expression a posteriori de quelque chose qui serait donc à l'intérieur de nous-mêmes, et donc c'est la théorie justement externaliste, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de perception ou il n'y a pas d'action, encore une fois. Donc, est-ce que l'espace de l'intériorité est en danger, pour ainsi dire, dans un environnement, dans un écosystème aussi performatif ? Je crois que si les besoins de la solitude, les besoins de la nuit, les besoins, disons, d'une distance par rapport à l'autre étant vraiment un besoin, il est obligé maintenant de chercher de nouvelles formes pour exister, de nouvelles manières de s'exprimer. Et il y a aussi donc des manières dont je peux, en fait, des façons dont je peux un peu détourner certains dispositifs. Et c'est vrai donc que par défaut sur Messenger, je suis toujours signalé comme étant actif, mais c'est vrai aussi que, oui, il me faut quelques petits passages, mais je peux nuancer de plus en plus aussi mes paramètres de confidentialité, par exemple, pour être un peu moins présent. Mais c'est vrai que ces paradigmes-là, les paradigmes de, de l'absence, ces passages, ces changements de l'absence à la présence, c'est un peu le même passage qu'on est en train de, auquel on est en train d'assister, c'est-à-dire les passages de l'oubli à la mémoire. C'est ça. On habitait un monde qui avait tendance, par défaut, à oublier. Et donc, il nous fallait des technologies. Il nous a fallu de chercher toujours des technologies de mise à mémoire et d'archivage, alors qu'aujourd'hui, on habite un monde qui, par défaut, enregistre. Hein. L'enregistrement que une chercheuse dont j'aime beaucoup faire les noms, c'est-à-dire Louise Merzeau, qui n'est plus malheureusement décédée avec nous depuis quelques semaines, appelée l'anti-mémoire. Louise Merzeau disait que l'enregistrement numérique, comme justement ne fait pas de tri, c'est de l'anti-mémoire qui peut juste lui servir comme un support pour un travail créatif, celui de la mémoire humaine. Oui, tout à fait. Merci Pepe Cavalleri d'avoir évoqué effectivement la mémoire, pour le coup, Louise Merzeau, dont les travaux ont été si inspirants et continueront certainement de l'être. Alors, dernière question, vous venez de Pepe Cavalleri de parler de présence, d'absence, éventuellement de besoin, de distance, et puis d'évoquer, on voit bien à quel point tout cela se tient, la question de la mémoire. Et c'est la dernière question. Et d'une certaine manière, très simple et en même temps, j'en ai bien conscience, vertigineuse, nous sommes sur une radio protestante. Que devient, comment peut-on penser la question de l'incarnation et du « vous ferez ceci en mémoire de moi » à l'heure du numérique, quel sens pouvons-nous encore lui donner ? Oui, c'est... Non pas d'un point de vue religieux, mais... Oui. Encore une fois, c'est la question du corps, évidemment. C'est la question du corps. Je dis qu'aujourd'hui, le numérique, ainsi qu'on a essayé un peu de décrire ensemble, le numérique développe de plus en plus de nouvelles formes d'incarnation. Absolument. On a dit que les affects sont incarnés, que les émotions sont incarnées. Une incarnation qui n'est pas l'extériorisation, je répète, de quelque chose qui serait à l'intérieur. Et ça, c'est le grand gain, effectivement. Voilà. Mais c'est l'incarnation sans laquelle il n'y aurait rien. Donc... donc c'est pas l'incarnation, bien évidemment, dans une logique plutôt laïque, hein, qui est celle, si vous voulez, de la théorie du web. L'incarnation, c'est pas l'incarnation d'un esprit, mais c'est l'incarnation, pour ainsi dire, de toute une série de discours, plutôt. Oui, c'est l'incarnation. C'est pas l'incarnation non plus d'une parole qui existerait sans s'incarner. On est plutôt devant une sorte d'incarnation obligatoire. Nous sommes obligés de nous incarner pour exister. Les espaces numériques, encore une fois, comme étant des espaces de raccordement de plusieurs espaces sociaux, semblent nous dire cela. L'incarnation comme la seule possibilité que nous avons d'être présents. Oui. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui... va être, je pense, aussi l'objet de réflexion de la part des théologiens, parce que ce message d'incarnation, de quelle façon peut-il encore nous parler et être compris aujourd'hui ? Est-ce que, d'une certaine façon, la notion de Dieu, ce Dieu qui s'est rendu visible à la personne de son Fils, mais ce Dieu qui est aussi invisible, normalement, ne va pas à nouveau nous interpeller davantage, presque, cette question de la distance, je ne sais pas. Ce sera quelque chose que nous pourrons observer. Une question majeure de la visibilité. De la visibilité. Du rapport entre ce qui est visible et ce qui est réel. Voilà. Donc là, la photographie questionnait déjà ces rapports. Le cinéma l'a fait d'une autre... D'une autre manière, le numérique retravaille encore là, là-dessus, sur ce rapport entre ce que nous qualifions de visible et ce que nous qualifions de réel, étant donné que le numérique, c'est banal ce que je dis, c'est évident, et pour ainsi dire, une dimension, encore une fois, hyper, la dimension de l'hypervisibilité, de l'hypervisibilité, même au sens social. Notre culture, voilà, déjà la culture télévisée était une culture de l'hypervisibilité. Non, la visibilité comme manière d'exister, le fait d'avoir besoin du regard, le regard de l'autre pour être reconnu, pour être un individu, pour être, encore une fois, pour être présent au sein de sa communauté. Et donc notre corps aujourd'hui, notre corps est où ? Est là où il y a les conditions de sa visibilité. Les conditions, pour mentionner encore Sartre, les conditions qui rendent possible les plusieurs points de vue qui les constituent. Merci infiniment, Pepe Cavallaro. C'est moi qui vous remercie. C'était le premier volet d'une émission sur la culture numérique, Où est mon corps ? Je remercie Boris à la technique. Et la prochaine émission sur les cultures numériques sera plutôt Où est son corps, finalement ? Parce que c'est aussi la question. Nous avons déplié aujourd'hui quelques aspects de notre corps numérique. Mais il y a aussi la question du temps, pas seulement celle de l'espace. Et la question du corps de l'autre, y compris quand il a disparu et à travers la mort, puisque le numérique travaille aussi tout cela. Donc, merci infiniment à tous et merci à la prochaine fois. Merci.